Okay, I'm T-Reggae Rods from Jamaica Song. Si nous entraînons dans le problème qui nous amène vers une baïenne de copes remplies de haine.